Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire George Sand, une femme libre et moderne. Cette femme du 19e siècle qui annonce déjà la femme du 21e siècle. Elle osait faire, elle osait se réaliser dans une façon que les femmes d'aujourd'hui n'osent pas encore. C'est pour ça que je dis que sa vie est son chef-d'œuvre. Le biographe américain de George Sand, Joseph Barry, à l'émission Les Belles Heures en avril 1984, Joseph Barry a raison de dire que c'est peut-être davantage la vie de George Sand que son œuvre qui a marqué les esprits et qui a traversé le temps. Malgré une œuvre plus que considérable, une œuvre littéraire imposante à laquelle s'ajoute une correspondance colossale, c'est d'abord le souvenir de la femme et de ses relations amoureuses célèbres, celle avec Musset, celle avec Chopin par exemple, qui s'impose spontanément, aujourd'hui encore, dans nos têtes, dans nos esprits, quand on évoque le nom de George Sand. Yourcenar, Marguerite Yourcenar, pour moi, c'est le plus grand philosophe du siècle. George Sand, c'est la grande femme de l'autre siècle. Et elle était de gauche, puis elle était de féministe, puis elle était d'avant-garde, hein, puis elle a pondu, c'est épouvantable. Elle écrivait la nuit. Elle a, dans ses romans, montré comment les femmes étaient en suggestion. Alors, ça a scandalisé beaucoup de monde. En suggestion, ça veut dire qu'ils étaient les sujets de leur mari. Elle a dit, ça marche pas de même, puis ça marchera pas de même. Alors, elle a fait exprès, elle a mis des pantalons. Bien, alors, les gens, ils ont dit, elle met des pantalons, c'était épouvantable, puis elle fumait. Mais c'était une femme raffinée, je veux dire. Puis les plus belles pièces que Chopin a composées, c'est quand il était avec elle. Oui, c'est ça. Alors, elle l'a pas magané, puis elle l'a pas fait mourir, je veux dire. Elle l'a inspiré. Sur une musique de Chopin, vous entendiez le syndicaliste québécois Michel Chartrand dans un extrait du documentaire de son fils, Alain Chartrand, un homme de parole, réalisé en 1991. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de George Sand, j'accueille trois femmes, trois passionnées de George Sand. Avec moi à Montréal, Renée Joyal, avocate, professeure de droit à la retraite, qui a publié en 2016 Germaine de Staël et George Sand, les parcours singuliers de deux femmes d'exception. Vous avez aussi dirigé, Mme Joyal, le collectif George Sand, toujours présente, publié en 2011. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Lise Bissonnette à Montréal également, journaliste, écrivaine. Elle a dirigé, entre autres, Le Devoir, la Grande Bibliothèque du Québec. Lise Bissonnette qui a également signé l'ouvrage Maurice Sand, une œuvre et son brisant au 19e siècle, un livre publié en 2016 consacré au fils de George Sand. Lise Bissonnette, bonjour. Bonjour. Et à Paris, dans nos studios de Paris, Martine Reed, professeure à l'Université de Lille, spécialiste de la littérature du 19e siècle, des femmes auteurs. Elle a publié, spécialiste de Sand aussi, elle a publié de nombreux ouvrages sur George Sand, entre autres la biographie George Sand en 2016, qui a été traduite depuis en anglais, en chinois, en japonais. Elle a également consacré un abécédaire à George Sand et elle a aussi réédité plusieurs de ses romans. Martine Reed, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame Reed. Une première question à toutes les trois. Parlez-moi de votre rencontre. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec George Sand? Comment vous l'avez découverte? Pourquoi vous vous y êtes intéressée? Martine Reed, d'abord, à Paris. Oui, moi, je connaissais bien entendu George Sand, mais mes connaissances étaient assez limitées. C'était celles de tout le monde, quelques romans lus quand j'étais enfant. Et puis, j'ai travaillé sur la correspondance de Flaubert et j'ai découvert l'extraordinaire dialogue entre Flaubert et Sand. Et je me suis dit, ah bon, voilà, donc une femme auteure qui tient tête à Flaubert, qui le conseille, ouais, qui lui explique exactement ce qu'elle veut faire en littérature, ça m'a paru tout à fait extraordinaire. C'était l'étincelle Flaubert qui vous a amené à George Sand. René Joyal, oui, c'est un peu comme ça aussi. C'est une étincelle aussi qui vous a amené. Qu'est-ce qui, dans votre cas, vous a conduit à George Sand? Oui, ben, au départ, je connaissais les romans champêtres que j'avais lus pendant mon adolescence. Et puis, tous les clichés qui circulaient à son égard, qu'elle fumait des cigares, qu'elle portait des pantalons. Le personnage, qu'elle George avait Sand. Eu des amants. Ouais. Et c'était donc un personnage amusant, un peu intriguant. Mais j'ai rencontré un jour des amis qui avaient approfondi son œuvre et qui m'ont dit « George Sand, c'est pas que ça, tu aurais intérêt à lire George Sand et puis probablement que tu l'aimerais beaucoup ». Alors, quand j'ai eu un peu de temps à moi, j'ai lu d'abord Consuelo, et là, ça a été vraiment l'étincelle. Ouais. J'ai été éblouie par ce roman. Et ensuite, j'en ai lu plusieurs autres, comme Les Maîtres mosaïstes, Les Maîtres sonneurs, qui sont des très grands romans. Mais qu'est-ce qui, tout de suite, quand vous avez lu Consuelo, va attirer votre attention? Ben, c'est une inspiration qui est tellement riche, et puis une langue qui est alerte. Ouais. Et donc, on a toujours envie de continuer, et quand on ferme le livre, ça nous fait de la peine. Ouais. Lise Bissonnette, qu'est-ce qu'elle a représenté? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Georges Sand? La rencontre, comment ça s'est fait? Je n'avais lu que les extraits les plus censurés possibles de mes études de baccalauréat en pédagogie. Alors, donc, on la censurait, effectivement. Et c'est assez tard, en fait, en 1980, que j'ai lu la biographie d'André Maurois, que je considère aujourd'hui plutôt mauvaise, mais à l'époque, en fait, c'était une brique. Ouais. Et j'ai compris en lisant cela que si je la prenais comme pivot, si Georges Sand devenait mon pivot en quelque sorte, j'allais pouvoir refaire. On est constamment en rattrapage culturel au Québec, donc j'allais pouvoir rattraper tout le 19e siècle qui avait été, pour moi, censuré. C'est pas seulement la littérature, là. On parle de la politique, on parle de l'art, des philosophes même, de tout cela. Donc ça, c'est joli. Votre porte dans sur le 19e siècle. Et là, j'ai commencé à rassembler tout ce que je pouvais trouver, non seulement les œuvres, parce que au total, je lisais peu les œuvres. J'essayais de comprendre tout ce qui avait gravité autour d'elle. Ça allait du poète polonais Mickiewicz jusqu'à, bien sûr, Chopin et Delacroix. Mais ça me permettait de retraverser le 19e siècle et je l'ai fait systématiquement en me servant d'elle plutôt que d'études formelles. Quand elle a 4 ans et qu'elle est Aurore Dupin, elle le raconte dans Histoire de ma vie, elle dit « Ma mère, quand j'avais 4 ans, je racontais à haute voix ce que ma mère appelait des romans. » C'est-à-dire qu'à 4 ans, c'est Georges Sand qui le dit, Aurore Dupin fait des romans. Bon, ensuite, à 12 ans, elle commence à écrire, c'est-à-dire qu'elle fait des dissertations, comme on en faisait au 19e siècle, à 12 ans. Et dans ces dissertations, elle dit « Je mêlais des descriptions et des éléments romanesques ». Donc, cette enfant de 4 ans, cette adolescente de 12 ans, et alors quand elle arrive au couvent des Anglaises, elle passe sa vie, elle a un calepin, et on la surnomme Miss Calepin. C'est-à-dire qu'elle passe, elle note. Et puis, dès qu'elle sait écrire, la première lettre à sa grand-mère, elle a 12 ans, je veux dire. Donc, elle a eu un besoin d'écrire qui n'a fait que grandir. Et quand elle a 27 ans et qu'elle écrit une lettre qui, dans la correspondance, fait 35 pages, elle écrit une immense lettre confession à son mari, et alors là, c'est du Georges Sand. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore écrit ses romans, mais les 35 feuillets de la lettre à Casimir du devant son mari, c'est déjà du roman. Alors moi, je trouve que quand à 4 ans, on fait des romans, quand à 12 ans, on fait des descriptions extraordinaires, et quand à 16 ans, on écrit toute la journée sur un calepin, et qu'à 27, on fait des lettres de 35 pages, on ne devient pas Georges Sand, on est né Georges Sand. Je trouve que c'est une démonstration absolument irréfutable. Le journaliste et écrivain français Jean Chalon, qui a publié quelques livres sur Georges Sand à l'émission Au fil du temps en octobre 1992, c'est formidable cet extrait. Ça nous donne envie de la lire ou de la relire, Georges Sand, de s'intéresser à tout ce qu'elle a fait. Avec Martine Reed, on va prendre quelques minutes pour parler justement de ce qu'elle a écrit. Surtout, on va parler de l'auteur Georges Sand. Martine Reed, en écoutant cet extrait de Jean Chalon, on comprend bien que très, très tôt dans sa vie, ce besoin d'écrire s'exprime. Oui, même si on peut ne pas donner tout à fait raison à Jean Chalon, pour la bonne raison qu'on le sait, quand on est écrivain, écrivaine, et qu'on parle de son enfance, il faut évidemment donner tous les signes du talent à venir. Ça fait partie d'une sorte de topos de la rhétorique de l'auteur qui explique que, évidemment, il était déjà doué quand il était tout petit. Ouais. On pourrait... On est plus dans le mythe que dans la réalité. Pas tout à fait, oui, je pense. Ouais. En partie encouragé par Georges Sand. On pourrait aussi rappeler que Georges Sand, quand elle arrive à Paris, n'imagine pas d'abord de faire des romans, puisqu'elle imagine plutôt de gagner sa vie. Elle ne sait pas trop comment. Elle fait des petits travaux de décoration, de boîtes de spa, comme on appelle ça à l'époque. Et donc, elle dira toujours dans l'histoire de ma vie, beaucoup plus tard, qu'en réalité, elle voulait faire quelque chose de sa vie, mais qu'à la limite, les travaux manuels lui auraient plu davantage. Ouais. Alors, il n'en a rien été. Donc, on revient évidemment à l'œuvre. Ouais. Œuvre très considérable. Et là, je ne suis pas sûre. Enfin, il me semble que le propos doit être équilibré entre la vie très extraordinaire, et je pense qu'on va y revenir régulièrement, de Georges Sand et l'œuvre. Ouais. Et comment elles se nourrissent ? L'œuvre n'est pas anecdotique, l'œuvre n'est pas secondaire. Ouais. C'est une œuvre-vie, c'est une vie-œuvre, ouais. Et on peut difficilement distinguer les deux. Avant de creuser avec vous davantage cette œuvre considérable de George Sand, un petit mot quand même, George Sand devient George Sand. En fait, elle naît Aurore Dupin. Pourquoi, pourquoi ce nom ? Comment devient-elle George Sand, Martine Reed ? Alors, on sait qu'en 1931, elle imagine de publier avec Jules Sandeau une série de petites nouvelles, d'articles d'ailleurs dans un petit journal satirique, Figaro, et un roman. Et l'éditeur imagine une sorte de marque de fabrique, de pseudonyme, de nom inventé pour les deux auteurs, c'est-à-dire Aurore Dudevant et Jules Sandeau, et fait la trouvaille de Jules Sand. Imagine de délivrer le Sandeau des trois dernières lettres de son nom. Ouais. Ensuite, George Sand explique elle-même qu'elle va choisir un prénom masculin, un prénom Berrichon, dit-elle, et puis garder, puisque elle le dit dans Histoire de ma vie, le nom est tout pour la vente. Donc l'éditeur lui conseille de garder cet étonnant pseudonyme. Et donc la voilà devenue, en 1832, à l'occasion de la publication d'Indiana, George Sand. Et c'est parti donc pour cette carrière littéraire riche qu'elle aura. Attaquons-nous justement à son œuvre, à l'œuvre de George Sand. Comment décrire cette œuvre, son importance, Martine Reed? Mais alors, on peut, je pense, dire plusieurs choses. On peut d'abord parler chiffres, en quelque sorte, et rappeler que l'œuvre de George Sand est largement aussi considérable que celle d'un Victor Hugo, par exemple, ouais. Puisque l'un et l'autre occupent le champ littéraire français pendant près d'un demi-siècle. Donc pendant plus de 40 ans, George Sand va publier à bon rythme 80 contes, nouvelles et romans au total, 400 articles de presse, une vingtaine de pièces de théâtre, un très grand nombre de brochures politiques et enfin un total de 25 000 lettres qu'elle a donc écrites pendant sa vie. Donc on a un massif très considérable, et notamment de romans. Et dans les romans, on peut isoler le premier, parce que il est à ce moment-là jugé comparable à un roman de Balzac. On croit d'ailleurs que peut-être Balzac a pris pour pseudonyme George Sand. Ah, on n'est pas trop sûr. Il y a une hésitation ouais. avant qu'elle ne dise non, c'est moi. Ensuite, bien entendu, on l'a aussi déjà évoqué, la force des romans champêtres, ouais. puisque, assurément, George Sand introduit une vision du monde paysan beaucoup plus précise qu'elle n'existait jusqu'alors. C'est important pour elle. Sa région, on en parle beaucoup, le oui. Berry, c'est un portrait qu'elle veut faire dans sa littérature aussi. Tout à fait. Et ça passe par la langue, ça passe par des observations sur le monde paysan qui sont par un goût, évidemment, des manifestations de ce qu'elle appelle la vie primitive, le talent spontané du paysan. Et puis, je pense que je mettrai d'accord sur ce point avec Madame Joyal, Consuelo et sa suite, ouais. la comtesse de Rudolstadt. Le philosophe Alain disait de ce texte que c'était en France l'équivalent des années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe, parce que précisément il y a une admirable réflexion dont, semble-t-il, Proust se serait lui-même inspiré sur la musique. Ouais. Ce que c'est que la musique populaire, la musique savante, et comment l'être humain se retrouve en musique. On parlera de l'engagement social avec René Joyal dans l'action, mais dans la littérature de George Sand aussi dans un instant. Mais un petit mot sur la femme, la féministe, la pensée féministe. Est-ce qu'on retrouve cette pensée féministe dans l'œuvre de George Sand, Martine Reed? Oui, absolument, de toutes sortes de façons. Je pense que les trois lignes de force chez George Sand, c'est bien entendu le féminisme, alors son féminisme à elle, et on aura l'occasion, je pense, de revenir sur la définition de ce féminisme. Mais en fait, la grande originalité, c'est que justement, un roman de George Sand n'est pas un roman de Balzac. Chez Balzac, les femmes sont malheureuses en amour et finissent par mourir de désespoir, jamais chez George Sand. Ouais. Parce que chez George Sand, les intrigues construisent à l'inverse l'égalité et la liberté. Oui. Et je sais que l'une des choses qui vous passionne, vous, particulièrement chez George Sand, c'est la vision qu'elle a, sa conception des relations, des rapports entre hommes et femmes. Pourquoi? Tout à fait, parce que précisément, George Sand imagine d'abord des romans qui interrogent le mariage, c'est le cas d'Indiana qu'on a rappelé tout à l'heure, et petit à petit, il faut 2 ou 3 ans pour qu'elle trouve finalement une ligne d'analyse plus solide qui sera à peu près la même jusqu'à la fin, c'est-à-dire montrer comment, par le biais d'intrigues sentimentales très diverses, les jeunes gens arrivent au mariage à égalité. Ouais. C'est-à-dire avec une situation intellectuelle, morale et financière identique. Ouais, c'est très... Et pour George Sand, c'est central. C'est-à-dire que tout passe par l'égalité. Sinon, il y en a un qui domine l'autre. Ouais, c'est très moderne comme pensée, évidemment. Lise Bissonnette, vous parliez au début de l'émission de votre découverte de George Sand. Évidemment, au Québec, mais ailleurs aussi, elle a été largement censurée. Qu'est-ce qui dérangeait? Les passages plus sulfureux ou ces pensées très modernes, égalité homme-femme, par exemple? Il s'agit certainement de ces pensées parce qu'elles n'étaient pas lues. Ouais. Donc, les œuvres en soi, à part les œuvres champêtres qui étaient présentées comme une sorte de folklore tranquille. Mais les mœurs, surtout. Le Québec était un pays où l'adultère était considéré comme une chose qu'on ne pouvait pas même mettre en roman, en ouais. fait, jusque presque aux années 1950. En fait, une personne qui écrivait un roman dans lequel il y avait un adultère ou enfin une relation qui n'était pas dans les lien du mariage était censuré. Donc, ouais. Ce sont ces mœurs qui choquaient. Il y a un biographe qui a fait quelques notes, quelques petits textes sur George Sand et qui a été dénoncé par l'Église catholique et ça a été publié, ça, au Québec en 1942 et très, très violemment dénoncé. Ouais. S'il y avait une œuvre. Je fais un petit tour de table là-dessus parce qu'on parle de son œuvre. S'il y avait un seul livre de George Sand à lire, question cruelle. Martine Reed, qu'est-ce qu'on lirait? On pourrait lire aujourd'hui une pièce de théâtre. Donc, ça a l'avantage d'être un texte court qui est intitulé « Gabriel » et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été, pour des raisons d'héritage, élevée comme un garçon. Et ça permet à George Sand de montrer que, évidemment, il n'y a pas de nature, que le genre, pour le décoder en termes modernes, est une construction ouais. socio-historique, et qu'évidemment, ben voilà, quand on mélange les genres, on voit qu'évidemment, il n'y a rien qui ressemble à la nature. Mais dans l'histoire imaginée par George Sand, la personne à laquelle, qui a cette double identité, meurt à la fin, ouais. assassinée, parce qu'il n'y a pas de place pour ce genre de créature. Je vous écoute, et c'est comme s'il y avait une Simone de Beauvoir qui sommeillait en George Sand, oui, dans ce que oui, vous oui, décrivez, tout à fait, en tout cas. Tout à fait. René Joyal, le livre, l'ouvrage à lire. Écoutez, je vous ai parlé tantôt de Consuelo. Oui. C'est sûr que c'est un ouvrage qui parle beaucoup d'art, de musique, de chant. Il y a aussi les maîtres mosaïstes. C'est une histoire qui se déroule à Venise et où il est question de la décoration de la basilique Saint-Marc. Et les maîtres sonneurs, où il s'agit d'artistes plus populaires qui jouent finalement un genre de cornemuse. Et la conception de l'art de George Sand est tout à fait particulière parce qu'elle dit que c'est l'expression du divin. Mmh. Et en cela, elle a probablement été influencée aussi par Chopin, ouais. par les idées mystiques polonaises et tout ça. Et elle dit qu'il n'y a pas de meilleur artiste que celui qui est bon, qui est généreux et qui est pur. Alors ouais. ça, c'est une conception de George Sand qui rejoint aussi son idéalisme. Ouais. Un petit mot, Lise Bissonnette. Oh, je vous répondrai de façon très classique. Hein. Son ouvrage dit autobiographique qui s'appelle L'histoire de ma vie, ouais. qu'elle a romancé un peu en la racontant et qu'elle a commencé à écrire très jeune. D'ailleurs, on ne commence pas à écrire son autobiographie aussitôt, normalement. Mais justement, ça correspond à ma façon de la lire aussi, de l'utiliser pour comprendre le siècle dans lequel elle vivait mm-hmm. et le siècle historique, politique et de civilisation dans lequel elle vivait. Donc, c'est pour moi, ça reste une lecture absolument fondamentale mmh. et qui veut comprendre ou en tout cas connaître George Sand. Un dernier petit mot sur l'œuvre de George Sand, sur son importance, quelle place elle occupe dans cette littérature du 19e siècle, comment elle va être perçue aussi par ses contemporains. On écoute l'animateur Michel Fresnel à l'émission En toutes lettres en 1970. J'ai noté ici le jugement de Baudelaire sur George Sand, que je vais vous lire parce que c'est quand même une curiosité littéraire et peut-être même une curiosité psychologique. Baudelaire écrivait dans son journal intime qu'il appelait Fusée ceci: « La femme Sand est le prud'homme de l'immoralité. Elle a toujours été moraliste, seulement autrefois elle faisait de la contre-morale. Aussi, elle n'a jamais été artiste. Elle a le fameux style coulant cher aux bourgeois. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Ce qu'elle a dit de sa mère, ce qu'elle dit de la poésie, son amour des ouvriers, que quelques hommes aient pu s'amouracher de cette latrine, c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. Et il termine en disant « George Sand est une de ces vieilles ingénues qui ne veulent jamais quitter les planches ». J'ai quelques yeux qui roulent devant moi. Pourquoi tant de hargne de la part de Baudelaire, Martine Reed? Et au-delà de ce qu'on vient d'entendre, comment il est perçu, George Sand, par ses contemporains? Oui, alors en principe, on dit que Baudelaire était entré en contact avec George Sand parce qu'il espérait recommander l'une de ses maîtresses jouant dans une pièce de théâtre. Donc il s'était dit que voilà, George Sand connaissait du monde et que ça pouvait être utile. George Sand, semble-t-il, n'a pas répondu à sa demande. Et il réagit surtout à la publication d'un texte qui s'appelle « Mademoiselle la Quintini » qui va valoir à Sand la mise à l'index de l'ensemble de son œuvre. Ah bon ? Ah oui, pourquoi ? Et donc, parce qu'elle y critique les dogmes de la religion catholique. Oui. Et donc là, l'Église juge que ça fait longtemps déjà qu'elle agace un peu par ses démonstrations diverses, notamment en matière de religion. Et que donc il faut mettre un frein à sa carrière. Pour ce qui est de Baudelaire, ce n'est pas très original, il faut le dire, puisqu'en réalité, un certain nombre de ses contemporains pensent et écrivent exactement dans les mêmes termes. Oui. Donc, mitigé à l'époque, George Sand, auprès de ses contemporains. La réception de George Sand est très mitigée parce que, on le sent bien, ce qui gêne, c'est qu'elle prétend au génie. Ouais. Le 19e siècle pense que le génie est masculin. Alors, il existe des femmes auteurs, on considère que c'est très bien, si elles veulent faire des œuvres, on ne les en empêche pas, mais forcément, elles vont rester marginales, et il est entendu, sous-entendu, que leur œuvre est médiocre. Une fois qu'on a quelqu'un de grand talent, alors, force est d'essayer de la situer, un peu homme, un peu femme, Flaubert va dire qu'elle appartient au troisième sexe. Mmh. Parce que précisément, il n'y a pas de place pour elle, tellement elle est étonnante. C'est évidemment une auteure. Est-ce que c'est un génie? Ça se débat, mais on peut en débattre. Mais c'est une auteure, une grande auteure. C'est plus qu'une auteure, c'est aussi, George Sand, une femme d'action et d'engagement. Moi, c'est une chose qui m'a absolument bouleversée, parce que cette femme a vécu toute sa vie en aidant les autres. Et à la fin de sa vie, elle écrit à une vieille actrice, Rose Thuillier, et elle lui dit « N'oublie pas, Rose, que tant que j'aurai 4 sous, il y en aura 2 pour toi. » Et ça, c'est vraiment... Je dis toujours que George Sand a inventé la sécurité sociale avant que la sécurité sociale ne soit inventée. C'est-à-dire que dès qu'elle apprenait qu'il y avait un paysan qui manquait, enfin tout ça, elle s'occupait... Alors, tous ses domestiques, évidemment, elle n'a jamais... Elle s'occupait de ses domestiques. Et alors, la générosité de Sand, mais vis-à-vis de ses amants, vis-à-vis de Musset. C'est George Sand qui a payé le voyage à Venise. C'est Amon avis, c'est George Sand qui a entretenu Chopin pendant 9 ans. Il faut appeler les choses par leur nom, je veux dire. Bon, on a cette espèce de légende de Chopin, musicien, les polonaises et tout ça, mais bel et bien, il a vécu au crochet de George Sand. L'auteur Jean Chalon, auteur entre autres de « Cher George Sand » à l'émission « Au fil du temps » en 1992. René Joyal, vous vous êtes beaucoup intéressé à cette dimension de l'engagement social de George Sand. Là encore, quand on entend Jean Chalon, on se rend compte que ça arrive. Est-ce que c'est un mythe, comme dans le cas de l'écriture, ou est-ce que c'est la réalité cette fois-là? Mais en tout cas, ça semble arriver très, très tôt, ce besoin de s'engager, cet altruisme qu'elle a dans sa vie. Oui, je pense que pour le comprendre, il faut remonter à son enfance. Parce que déjà, toute petite, elle était altruiste. Elle avait bon cœur, comme on dit. Et entre autres, quand elle vivait, elle vivait la plupart du temps à Nohant, chez sa grand-mère, dans le domaine. Et quand le régisseur imposait des sanctions à des paysans qui avaient braconné ou qui avaient pêché alors que c'était interdit, eh bien, elle le suppliait de ne pas imposer ces sanctions. Et quand elle ne réussissait pas à le faire fléchir, elle leur envoyait des compensations, comme elle disait. Donc, c'est profond chez elle, ce mouvement. Profond. Ça fait partie de son tempérament. Ça fait partie de son tempérament. Oui. Quand elle vit par la suite avec son mari à Nohant, Casimir du Devant, elle recueille des enfants. À ce moment-là, il arrivait qu'on abandonne des enfants dans les champs, d'où le nom de Champy. Alors, on lui amène ces enfants-là, elle les recueille, elle les soigne, et puis elle s'occupe de les placer ensuite dans des familles. Donc, elle était un peu un service de protection de l'enfance avant la lettre. Et ce qui est fascinant, c'est que, puis on y viendra dans un instant, elle aura un engagement politique réel et très concret, mais dans sa vie quotidienne, cette notion de partage est présente. Oui, de toujours aider ses amis. Et puis, quand elle monte à Paris un peu plus tard, à la fin de la vingtaine, qu'elle s'installe pendant les mois d'hiver, surtout à Paris, elle constate tout de suite la misère des ouvriers, et la misère des gens qui affluent des campagnes, qui se retrouvent entassés dans la ville, dans les vieux quartiers, dans les faubourgs. Et elle est témoin des émeutes qui ont lieu dans les années 1830. Oui. Et elle est bouleversée parce que du haut de sa mansarde du quai Saint-Michel, elle voit des ouvriers blessés ou morts qu'on jette dans la Seine. Mm-hmm. Elle voit la Seine rougie de leur sang. Et à ce moment-là, elle est très, très déprimée parce que là, elle voit bien que ça dépasse la charité individuelle ou l'entraide ou tout ça. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ces misères? Et c'est là qu'elle commence à lire et à se lier avec des personnes qui ont développé des idées politiques. Et ça, ce sera donc sa phase concrète d'action politique. Mais un mot encore, parce que ce qu'elle voit, ce que vous décrivez, cette sensibilité qu'elle a, elle en parle aussi. Comment se traduit, avant de parler de la femme politique, parlons un petit peu de l'engagement chez George Sand, mais dans sa littérature. Ça transparaît. Il y a des ouvriers, il y a des femmes. De quelle manière cet engagement-là, cet engagement social de George Sand est présent dans son œuvre, René Joyal? Ça va commencer un peu plus tard. Il faut dire avant que tout ça transparaisse dans son œuvre, il va se passer quand même un peu de temps. Mais entre autres, on peut penser à ces deux romans qu'on peut dire entre guillemets sociaux, c'est-à-dire La Ville Noire et aussi Le Marquis de Villemer. Alors, dans Le Marquis de Villemer, elle dénonce la situation des dentelières qui travaillent à la pièce. Hein. On appelait ça les sweatshops ici à Montréal au début du siècle. Alors, on leur confie tant de travaux à faire et elles doivent le faire dans un certain laps de temps pour toucher un peu d'argent. Et souvent, c'était des femmes avec charge d'enfants qui étaient soit abandonnées ou veuves et tout. Et ces femmes-là vieillissaient très prématurément parce qu'elles s'arrachaient les yeux à faire ce travail de dentelière, et souvent aussi, elles avaient des difformités, le dos se déformait. Alors, elle a dénoncé ça avec pas mal de virulence. Et dans La Ville Noire, on reconnaît la ville de Thiers, où il y avait beaucoup d'ouvriers, papetiers et métallurgistes qui travaillaient dans des conditions effroyables. Et il y avait aussi une pollution épouvantable de poussière et de fumée. Et ces familles-là vivaient dans une situation précaire. Et donc, elle dénonce à la fois cette exploitation ouvrière et aussi les conditions de vie. Donc, déjà, elle a l'idée de l'environnement, de l'écologie. Ouais. Et un peu plus tard, elle va se préoccuper, d'ailleurs, du sort de la planète. Alors, déjà, au milieu du 19e siècle, que dans ses écrits, elle en parle, c'est une femme qui voyait loin. La Ville Noire, Martine Reed à Paris, ce qui est fascinant, c'est au fond, c'est presque Germinal de Zola, quoi, 30 ans? 20 ans avant. Au moins 20 ans. Avant. Martine Reed. Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'on voit, c'est que George Sand revient aux questions sociales, d'abord par la description. Donc, il y a énormément de descriptions très réalistes sur la manière dont les gens travaillent, le travail de type ouvrier, le travail propre au féminin aussi, notamment les dentelières du Marquis de Villemer. La question sociale est aussi en débat. C'est-à-dire qu'on voit assez souvent dans les romans les personnages parler de cette question. Et échanger un point de vue là-dessus. Donc, il y a des descriptions, il y a des conversations sur ce qu'on appelle à ce moment-là la question sociale, et il y a aussi des scénarios, puisque dans la plupart des scénarios imaginés par George Sand, en fin de compte, les amoureux, puisqu'il y en a toujours, finissent par se marier, mais ils sont entourés d'une petite communauté. Et cette petite communauté, elle partage. il n'y a pas de bonheur égoïste à deux. Chez George Sand, il y a toujours un ensemble de personnages qui sont inclus dans le scénario final et qui vont évidemment profiter du bien commun. Ouais. Et cette notion de partage, on l'a évoqué tout à l'heure à propos de la bonté, on la retrouve systématiquement dans les romans. Ouais. Puisqu'on en parle du bonheur et du partage à deux, Lise Bissonnette, je reviens sur l'extrait qu'on entendait. C'est vrai, ça, cette histoire de sa générosité avec ses amants, Musset, Le Voyage à Venise, absolument. Chopin. Chopin a vécu au crochet de George Sand pendant 9-10 ans. Il n'a pas été le seul. Enfin, et c'est assez étrange parce qu'elle reprochait justement à sa fille de se laisser entretenir. Elle lui disait « Moi, je n'ai jamais accepté qu'on me fasse vivre, ouais. en fait. Et toi, tu ne devrais pas le faire non plus. » Et bon, elle n'a pas réussi tellement avec sa fille. Mais on voit que c'est une conviction personnelle forte. Et je ne crois pas qu'elle voyait ça comme entretenir. Il faut quand même être prudent parce que les relations financières à l'époque entre les personnes ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il reste un fait financier, si vous voulez, qui est vrai aussi. Et, c'est une aristocrate, il faut le dire aussi. Et je profite qu'on parle de l'instinct de justice de George Sand, de sa générosité, pour dire que ça dépassait même le cadre de son entourage, de son milieu de vie français. J'ai remarqué avec beaucoup d'intérêt à quel point elle s'est intéressée, on est en Amérique du Nord ici, au sort des Indiens d'Amérique. Ah bon? Quand en 1861, quand son fils part pour ce voyage qui va l'amener, lui, entre autres au Québec, mais surtout aux États-Unis, elle lui dit « Attention, hein, il faut que tu te souviennes que les Américains, ils sont racistes et que cette notion d'égalité leur échappe et que tu dois, toi, essayer de comprendre quelle est la vie de ces personnes. » C'est assez extraordinaire. On se demande jusqu'à quel point elle était allée voir des expositions d'Indiens à Paris et puis elle était choquée par ce qu'elle avait vu. Donc, ça s'étend à beaucoup, beaucoup de sphères de la vie en société. C'est remarquable. Une fibre sociale très, très développée, ce qui nous amène à son engagement social concret qui passe par l'action politique. René Joyal, parlez-moi de ce que ça voudra dire, cet engagement politique de George Sand. Parlez-moi de cette femme politique, George Sand, la femme politique. Oui, je pense qu'elle voyait la politique comme un moyen, justement, d'arriver à une certaine justice sociale, à un partage des biens. Qu'on porte secours, qu'on soulage les femmes qui étaient dans la misère. Et elle se disait, bon, bien sûr, les familles ont des responsabilités, mais l'État a une très grande responsabilité pour éradiquer la misère et l'ignorance. Donc, elle voyait plus la politique comme un moyen et la République comme une fin pour arriver à ça. Et c'est en fréquentant des gens comme Lamennais, comme Pierre Leroux, comme Jean Chrysostome Michel, qui était le chef du Parti républicain en Berry et avec qui elle a eu d'ailleurs une liaison passionnée, qui est moins connue peut-être que les autres, mais qui a quand même eu son importance. Et elle a lu donc tout ce que ces personnages ont écrit et elle s'est convaincue donc qu'il fallait promouvoir ces idées entre guillemets socialistes. Ouais. Maintenant, si on les regarde d'un peu plus près, ces idées-là, elles correspondent à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la social-démocratie avancée, c'est-à-dire un large filet social. Et quand il y a eu la révolution de 1848, le gouvernement provisoire, dont elle était très proche, parce qu'elle rédigeait des décrets, des bulletins, a mis en place toute une série de mesures qui étaient tout à fait d'avant-garde pour l'époque, c'est-à-dire que les ouvriers en chômage venaient aux ateliers nationaux et on leur confiait des travaux de terrassement, de construction de routes. Et il y avait des prestations qui étaient prévues pour les ouvriers malades ou trop vieux pour travailler ou blessés. Donc, c'était tout un filet social qui avait été mis en place. Complètement nouveau par le gouvernement provisoire où il y avait en effet Lamartine, mais il y avait Louis Blanc aussi qui était un de ses grands amis. Mais ça ne durera pas cette période, cet âge d'or. Ce qui sera une grande déception pour elle. Oui, ça va durer à peine 2 mois parce qu'aux élections du mois d'avril suivant, c'est finalement une bourgeoisie, pas mal de centre-droit qui détient le pouvoir. Et donc, ce serait une déception immense pour George Sand. Et comme le disait tantôt Lise Bissonnette, elle s'aperçoit bien qu'autour de chez elle, dans le Berry, il y a encore des idées très, très conservatrices et qu'on n'en veut pas de ces idées nouvelles. Ouais. Mais elle n'y renoncera pas parce qu'elle pense qu'en faisant de l'éducation, de la sensibilisation. Par ses articles, entre autres. On n'en a pas parlé, mais c'est une journaliste aussi. Elle a toujours été une journaliste, parallèlement à son travail de romancière. Hein. Et jusqu'à la fin, elle y a cru à ce perfectionnement possible, à cette idée de partage et de répartition des biens. Elle n'a jamais renoncé à ses idées. On termine cette émission en s'intéressant un peu avec Lise Bissonnette à ce que l'histoire a retenu de George Sand et à la façon dont l'image qu'on a, le souvenir qu'on garde de George Sand, cette femme, cet auteur évidemment, cette femme engagée, cette femme libre, on y revient, dont la vie amoureuse a été active. De quelle manière ce souvenir, cette image de George Sand a évolué au fil du temps? Si nous ne voyons dans les grands auteurs que les maîtresses, tout le monde trouverait ça stupide. Par contre, je trouve que les amants ont été pour George Sand indispensables, car c'était une femme vouée à l'amour, et elle a aimé de tout son cœur tous ses amants qui lui ont échappé par la force des choses le plus souvent, et parce qu'elle n'avait pas de chance avec eux, peut-être parce qu'elle était trop passionnée aussi. Mais je ne voudrais pas qu'on pense que c'était une femme qui avait des amants d'une façon scandaleuse et qu'on trouve ça ridicule, voyons, à notre époque. La biographe de George Sand, l'une des biographes de George Sand, Francine Mallet, à l'émission Une année, George Sand, diffusée en mars 1977. On y revient aux amours de George Sand, Lise Bissonnette. Quelle place ça occupe, cette vie amoureuse, dans le souvenir qu'on va garder d'elle? Et comment va évoluer au fil du temps l'image, le souvenir qu'on aura de George Sand? Peu après sa mort, jusqu'à peu près le milieu du 20e siècle, ça va, et même plus loin que le milieu du 20e siècle, toute cette agitation autour de la vie amoureuse de George Sand va occuper le terrain, il est certain. Elle décède en 1876 et on décrète immédiatement que son héritage littéraire est nul. Alors c'est dans la suite de ce que disait Baudelaire, bien sûr. Je vous cite ici Émile Zola, qui tout en commettant un éloge funéraire très gracieux où il parle des grandes qualités de cette femme, écrit ceci: George Sand représente une formule morte, voilà tout. Ça vient de l'auteur de Germinal, pour les femmes. Qui avait été précédé par La Ville Noire, comme exactement. On vient de vous le rappeler. Ouais. Mais pour lui, c'était pas seulement pour les femmes, pour elle, parce qu'elle avait occupé quand même pas mal de place dans le paysage littéraire français. Donc, il règle la chose en disant « ça, c'est une formule morte, voilà tout ». Et ce qui va arriver dans la suite des choses, parce qu'on commence à écrire des biographies, à s'interroger, etc., c'est une sorte de débat moral et politique. Il y a une droite française qui va dire « voyez, cette femme, sa vie amoureuse a été absolument scandaleuse. Ses idées politiques, on n'en parle pas, le socialisme républicaine, elle s'est laissée entraîner par des idéologues. Donc, mais voyez, elle est retournée à Nohant et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue une bonne dame charitable, ça c'est nouveau pour eux, et elle est devenue une grand-mère idéale. Ouais. Et en plus, elle est dans le terroir, elle s'intéresse beaucoup, vous savez, au terroir, aux légendes, des choses comme ça. La femme moderne, singulière, oui. Elle devient... On veut la ranger, gommer cet aspect-là. La bonne dame de Nohant. Et jusque, encore tout récemment, j'ai entendu des intellectuels français de haut niveau me parler de la bonne dame de Nohant en me disant, qu'est-ce que tu as à t'intéresser tellement à cette personne. Ça a été ancré là. Et les rares biographies à cette époque, parce que j'ai fait le recensement de presque toutes les biographies de George Sand, on en compte 50 à 60, qui ont été publiées un peu partout dans le monde aussi. Les rares biographies à cette époque, un peu plus détachées, si vous voulez, un peu plus objectives, dirions-nous, venaient surtout des étrangers, des anglo-saxons qui commençaient à s'intéresser. Et particulièrement, bien sûr, aussi d'une très grande biographie qui était d'une dame d'origine russe qui se faisait appeler Vladimir Karénine. Donc, c'est de l'étranger qu'on commence à regarder le personnage en lui reconnaissant plus d'envergure. Vous parliez au début de l'émission d'un ouvrage qui vous a marqué, mais qui a marqué, en fait, à peu près tout le monde quand on parle de Georges Sand, l'ouvrage écrit par André Mauroy. Ça, c'est quoi? L'Elia ou la vie de Georges Sand. C'était 1952, mais il a commencé à s'y intéresser avant ça. Et ce qui fait l'intérêt de cette biographie, l'intérêt en histoire littéraire, si vous voulez, parce que moi, je ne la trouve pas extraordinaire, mais c'est le nom d'André Mauroy, évidemment, qui était très connu. Mais lui, il aura accès pour la première fois à des archives complètes, assez ouvertes en tout cas, parce que jusque-là, ça avait été fermé. C'était réservé à certains chercheurs. On ne laissait pas les gens, même André Mauroy lui-même, il a obtenu le privilège d'avoir accès aux archives qui avaient été rassemblées par le comte de Levengeul qui s'était intéressé à la correspondance, tout ça. Donc, on est dans l'après-guerre. Lui, il a accès, lui seul, à ses archives. Et de là, il va proposer cette biographie qui est une première d'une certaine façon, puisque les détails qui apparaissent là n'étaient pas disponibles auparavant. Et ce à quoi il s'intéresse, presque pas du tout à l'œuvre, André Mauroy dit « Maintenant, je vais vous expliquer qui étaient ses amants. » Et puis, il vous fait le portrait de c'est ses amants. C'est une nymphomane pour Georges Sand. Et ça devient un genre littéraire attaché à la biographie de Georges Sand au sens psychosociologique, psychanalytique du terme. Ça devient presque un genre littéraire. Alors, Mauroy dit elle était non seulement frigide, veut dire ça, il en est convaincu, mais elle est surtout nymphomane. Son problème, c'est qu'elle cherche constamment l'amour parfait au lit, mais elle ne le trouve pas. Elle souffre d'insatisfaction et ça l'amène à être nymphomane, d'où la longue liste de ses amants, ce qui aujourd'hui serait une courte liste, mais tout de même, à l'époque... Il n'est pas seul, Mauroy. À ce moment-là, on est dans ce genre de délire. Là. Tout à fait. Tout le monde écrit, s'intéresse à ça. Et là, les Américains, il y a un Américain, Curtis Kate, qui lui répond en lui disant non, ça s'appelle la nympholexie. et s'installe vraiment une discussion autour de la frigidité du type est-elle normale ou n'est-elle pas normale? Mm-hmm. Ça, c'est la question, en fait, dans ces années. Dans ces années, ça va durer assez longtemps. Et comme disait Georges Lubin, qui a édité cette immense correspondance, disait personne, pourtant, ne l'a encore psychanalysée. Ouais. Donc, on l'a psychanalysée en amateur, si vous voulez. Et c'est devenu la discussion autour de Georges Sand, ce qui explique, en fait, ce qui arrive aujourd'hui, qu'on la voit toujours. Chaque fois qu'on en parle à des gens qui sont peu familiers, on entend parler, bien sûr, de Chopin, de Musset, et puis de sa façon de se conduire. Ça vous amuse ou ça vous choque? Martine Reed, par exemple, l'importance qu'on a donnée à... Et puis ce débat autour de « est-ce une nymphomane » ou j'oublie l'autre terme. Mais, nympholectique. Nympholectique. Vous réagissez comment à ça? On reconnaît là tout de même une manière tout à fait significative de juger toutes les œuvres de femmes. Mm-hmm. C'est-à-dire que généralement, on se dit, l'œuvre n'est pas si formidable, mais peut-être que la vie sera plus intéressante. Et à ce moment-là, le volet sentimental revient immanquablement. Alors, avec Georges Sand, évidemment, les amateurs sont servis, puisqu'effectivement, on a là quelqu'un qui est particulièrement libre. Oui. Et il faut le rappeler, libre dans son expression aussi. Maintenant qu'on a la correspondance, on mesure bien que Georges Sand dit aux uns et aux autres, c'est une relation formidable, ou au contraire, finalement, je me sens un peu sacrifiée. Elle se plaint beaucoup de la relation avec Chopin quand c'est en train de se défaire. Je pense qu'il y a là une grande justesse de vue, de nouveau, sur ce que c'est que les relations entre les hommes et les femmes. Ouais. Lise Bissonnette, on va s'éloigner un petit peu de cette vie amoureuse de Georges Sand. Dans les années 70, on revient à Georges Sand, à la littéraire, aussi à la femme, à la féministe, avec les études féministes, par exemple. Oui. En fait, il y a des borne là-dedans, notamment le centenaire du décès de Georges Sand en 1976, qui va donner lieu quand même à plusieurs relectures. Et on voit que la recherche sur Georges Sand s'élargit avec un volet institutionnel, si vous voulez. Les Amis de Georges Sand, l'Association des Amis de Georges Sand, ça naît en 1975, donc juste avant les célébrations du centenaire. Ensuite, les Friends of Georges Sand aux États-Unis, une association qui est très importante, qui naît en 1976. C'est l'ancêtre de George Sand Association, qui existe toujours aujourd'hui avec ses colloques et tout ça. Et là, l'université entre en scène. L'université, jusque-là, George Sand, ça n'avait intéressé personne, parce que, justement, comme toute la lumière tournait autour de sa vie, et qu'en France, je ne sais pas si Martine Ries sera d'accord avec moi, mais ce que j'entends, c'est que quand on l'étudiait, George Sand, on n'étudiait que les romans champêtres, c'était des bluettes pour les Français qui avaient gardé ce préjugé. Donc là, on voit, après 1976, en tout cas dans le dernier quart du 20e siècle, les universités qui s'y intéressent, et là, elle a la chance d'être à la croisée de deux mouvements, en fait. Si on résume très rapidement, les études textuelles. Roland Barthes vient de décréter en 68 ou 69 que l'auteur est mort, il faut ne s'intéresser qu'au texte. Et c'est une thèse qui a eu, bien sûr, une fortune extraordinaire. Et là, on va redécouvrir l'ensemble de l'œuvre de George Sand. On va cesser de ne lire que les romans champêtres. Ouais. On va lire non seulement tous les romans, mais justement tout ce dont on parle depuis le début de cette émission, tous les textes politiques absolument extraordinaires. La correspondance qui commence à être éditée de façon exhaustive par le personnage extraordinaire qui est Georges Lubin. Tout ça arrive au jour, si vous voulez. Ouais. Et là, tout à coup, on a un choc et les études textuelles prennent leur place. Ensuite, et en parallèle, il y a aux États-Unis ce qu'on va appeler les gender studies. Mm-hmm. C'est plus que les études féministes. C'est aussi, comme le disait Martine Ries tout à l'heure, c'est l'idée que la construction, en fait, il y a une construction qui s'est exercée autour de la sexualité et qui a fait que les œuvres des femmes ont été considérées comme moins pertinentes. Et là, les gender studies, les études féministes, et elle les connaît mieux que moi, certainement, vont lui redonner un élan à son étude. Mais alors là, on assiste encore à une floraison d'ouvrages qui portent moins sur la vie que sur le féminisme, pas seulement le féminisme, mais la place que doit la réintégration des femmes dans l'histoire de la littérature. Avec une grande question, probablement Martine Ries, de George Sand, féministe ou d'abord et avant tout, ou femme libre d'abord et avant tout, et peut-être que c'est un peu des deux. Non, profondément féministe. Je pense qu'il ne faut pas hésiter sur le mot. C'est elle qui dit l'esclavage féminin a besoin d'un Spartacus, dit-elle dans une lettre en 1836, et je serai ce Spartacus ou je mourrai à la tâche. Ouais. Donc, elle annonce évidemment que le grand sujet, c'est de travailler pour que la condition des femmes change, et la condition, c'est ce à quoi elle est très sensible, le rapport de domination d'un sexe sur l'autre. Ouais. Donc, de ce point de vue, avec nos lunettes d'aujourd'hui, on la reconnaît comme parfaitement féministe. Il est vrai, par ailleurs, c'est lié à la propre situation de George Sand, c'est aussi lié à l'époque, que le féminisme de George Sand est limité au sens où, de notre point de vue, George Sand fait l'éloge de la maternité et y voit la mission de la femme. Et là, évidemment, aujourd'hui, on considère que les choses sont assurément plus compliquées, mais ça, c'est un aspect des choses. Pour le reste, c'est elle qui dit les droits civils absolument nécessaires. Ouais, femme moderne, mais de son temps, bien sûr, on n'y échappe pas. Qu'est-ce qu'elle représente, George Sand, dans la France d'aujourd'hui? À qui appartient sa mémoire, en quelque sorte? Écoutez ce reportage de Julia Delage en février 2003, au moment où circule cette idée d'envoyer au Panthéon la dépouille de George Sand. La légende raconte que sous cette stèle, George Sand repose à même la terre, une terre qu'elle chérissait et qu'elle a si souvent décrite dans ses romans. Pourtant, aujourd'hui, sa dépouille pourrait bien quitter le Berry et rejoindre Paris pour s'installer aux côtés de Hugo, Dumas ou Mirabeau au Panthéon. Une fierté, mais surtout une tristesse pour les habitants de Nohant où elle est morte en 1876. Pour nous, c'est un arrachement de notre patrimoine. George Sand a voulu être enterré à Nohant, sur ses terres, par les gens du village. Une histoire d'amour que les Berrichons cultivent avec jalousie et pour cause. Chaque année, 35 000 visiteurs font halte à Nohant et découvrent ou redécouvrent l'univers de la Mare au Diable ou de la Petite Fadette, ses œuvres les plus célèbres. Des recettes indispensables à la survie de la région. Mais pour la dernière héritière de l'écrivain, peu importe, George Sand mérite cet honneur. ça n'empêchera pas les gens du tout de venir à Nohant. Au contraire. Les gens qui ne connaissent pas Nohant se diront, mais pourquoi mettons Georges Sand au Panthéon? Si on la met au Panthéon, c'est parce qu'elle a fait des choses grandes. Donc, ils chercheront à savoir, ils chercheront à la connaître davantage. Donc, ils viendront. La dépouille de Georges Sand qui finalement va rester à Nohant. Mais Martine Reed, ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça nous dit sur ce que représente Georges Sand aujourd'hui en France? C'est assez difficile de juger puisque, à mon sens, l'image de Georges Sand varie considérablement d'une génération à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ont une idée vague, si une idée du tout d'ailleurs, sur Georges Sand, alors qu'au fur et à mesure qu'on voit des générations, les générations précédentes, elles ont généralement lu les œuvres de Georges Sand dans des éditions pour enfants, les romans champêtres, dont il a déjà été question, La Petite Fadette, La Mare au Diable, etc. Donc l'image n'a pas tellement bougé. Je pense que, et c'était rappelé à juste titre par Madame Bissonnette, ça bouge au moment où les lieux de savoir, par exemple l'université, s'emparent du corpus et commencent à en montrer la très profonde originalité et la grande inventivité. Mais l'image reste, ma foi, assez traditionnelle si elle existe. Ouais. J'ai moi-même des étudiants qui n'ont jamais lu une ligne de Georges Sand et qui ne savent pas qui elle est. René Joyal, qu'est-ce qu'il en reste de cette grande figure, de cette femme engagée qui vous a happé? Je crois que c'est l'idéalisme, parce qu'on a parlé tantôt de sa vie amoureuse et elle poursuivait un idéal. Hein. C'était l'union parfaite de cœur, de corps et d'esprit. Mmh. Alors, c'est ce qu'elle cherchait. Elle n'avait pas trouvé ça, évidemment, avec son mari et ça avait été plutôt décevant. Elle l'avait trouvé avec Musset, mais évidemment, à un moment donné, bon, ça s'est complètement disloqué, cette liaison. Et elle a cherché encore à trouver cette union parfaite. Et on peut dire qu'à la fin de sa vie, avec Alexandre Manceau, elle a eu une vie conjugale où il y avait, en quelque sorte, cette union, peut-être pas parfaite, mais quand même satisfaisante dans la durée. Et cet idéalisme, on le retrouve à la fois dans ses idées sociales et on le retrouve dans ses romans. Alors, c'est une femme qui croit en l'amélioration en l'amélioration des choses, en l'amélioration des sociétés et en l'amélioration aussi des êtres humains. Lise Bissonnette, un mot, le mot de la fin, avec peut-être un paradoxe, au fond, quand j'écoute Mme Joyal, quand j'écoute Martine Reed, une image qui n'a pas beaucoup changé, au fond, hein, de Georges Sand au fil du temps. On revient finalement à cette image que vous décriviez du milieu du 20e siècle. En même temps, une présence. Donc, elle n'est pas lue, nous disait Martine Reed, mais elle est encore très populaire. Oui. Le monde intellectuel a encore du travail à faire pour la redécouvrir et c'est assez étonnant qu'il ne la redécouvre pas immédiatement, là, maintenant. Parce qu'il y a aussi des questions qui traversent nos sociétés, les débats que nous avons ici au Québec qui se vivent aussi aux États-Unis, en France, sur des questions d'extrême actualité. La fusion du féminin masculin, qu'est-ce que la confusion des genres aujourd'hui, en fait, et la rencontre des genres, bon, elle incarne cette chose-là. Mmh. On a fait d'elle la femme homme, homme-femme, bon, et on ne la lit pas, mais il y a plein de livres, de films. La parité des humains de toutes conditions et de toutes ethnies, c'est un débat constant ici. On en parle tous les jours à propos de ces questions d'immigration, etc. Elle y croyait profondément. C'est une autre façon de l'exprimer, bien sûr, que celle du 19e siècle, mais de toute façon, on pourrait le redécouvrir facilement. Les responsabilités du pouvoir politique, les inégalités à combattre partout, c'est tellement contemporain. Et puis, encore une fois, quand on en parle, en fait, quand on circule un peu dans ces milieux, on s'aperçoit qu'on est encore en retard d'une lecture de Georges Sand. Je ne sais pas si elle va se produire. Le milieu universitaire s'en occupe beaucoup. Et on assiste actuellement à des choses intéressantes. La réédition complète de ses œuvres, une édition critique complète de ses œuvres. Et des ouvrages qui paraissent encore et des colloques qui ont lieu presque chaque année, des colloques internationaux. Donc, on y arrivera peut-être. Lise Bissonnette, journaliste, écrivaine, auteure de l'ouvrage « Maurice Sand, une œuvre et son brisant au 19e siècle ». René Joyal, avocate, professeur de droit à la retraite, auteur entre autres de Germaine de Staël et Georges Sand, les parcours singuliers de deux femmes d'exception. Et Martine Reed à Paris, professeur à l'Université de Lille, spécialiste de Georges Sand, auteur entre autres de la biographie « Georges Sand » publiée chez Gallimard. Merci